Donc, je dois vous parler de l'histoire de l'Union démocratique bretonne, les origines, les étapes du parti et un peu son bilan. Et puisque c'est sans doute le seul parti autonomiste fédéraliste de l'Hexagone qui est atteint et dépassé 50 ans, donc c'est le plus ancien des partis de ce genre, et en Bretagne, a fortiori, c'est le plus ancien de loin. L'an dernier, donc 2014, c'était les 50 ans, et à cette occasion, il y a eu un colloque à l'Institut d'études politiques qui a donné lieu à un livre paru aux presses universitaires de Rennes, Union démocratique bretonne, un parti autonomiste dans un état unitaire. Et donc ça, c'était c'est une série de communications. Ça n'est pas du tout un traitement exhaustif du sujet. Ce sont des éclairages, compris des gens qui n'étaient pas spécialement connaisseurs du sujet, mais qui ont voulu l'explorer. Et c'est très intéressant parce que ce sont des regards extérieurs. Et puis, la même année, j'ai publié ce livre-là, Histoire de l'UDB, enfin, copublié, puisque j'ai sollicité le concours de deux autres auteurs. Michel Nicolas, qui a fait une postface, et qui était un peu spécialiste de ces questions-là, hein, de l'histoire du mouvement breton. Et Lionel Henry, un enseignant d'histoire, qui est toujours spécialisé aussi sur ce sujet. Et c'était pour moi très important d'avoir des gens qui n'avaient pas la même appartenance politique que moi, puisque je présentais la particularité d'avoir été membre de l'Union démocratique bretonne, au moins à titre d'adhérent de base, depuis ces 50 années ou presque. Donc ça peut paraître une situation bizarre, mais donc pour disons atteindre à plus à la maximum d'objectivité, j'ai souhaité associer des gens qui n'étaient pas membres de l'UDB. Et d'autre part, donc ça a commencé en 1998 au sein de l'UDB. Il y avait une vague de jeunes qui arrivaient et qui vraiment ne comprenaient pas du tout ce qui s'était passé avant. Dans un parti, il y a une mémoire orale, et cette mémoire orale donc, circulait plus ou moins bien, ce qui fait que on m'avait dit, mais pour accueillir les nouveaux adhérents, pas forcément jeunes, parce qu'il y a des gens qui adhèrent, qui peuvent avoir 50 ans et plus, de faire une sorte de synthèse de l'histoire de l'UDB. Donc j'ai travaillé comme historien, comme je le fais d'habitude, parce que par ailleurs, donc, j'ai produit pas mal d'ouvrages d'histoire. Et donc j'ai soumis l'objet qu'est l'UDB à la même méthode que les autres objets que je peux étudier par ailleurs. Et j'avais donc en 1998 publié cette brochure assez dense, mais avec la méthode historique, et puis pas du tout de contrôle de quelconque du parti. C'est pas le parti qui était l'éditeur, simplement le parti trouvait utile qu'il y ait un aide-mémoire et qu'il ne soit pas à la vision du parti par lui-même, qui n'a pas d'intérêt, enfin, qui aurait un intérêt pour les politologues, mais ce n'était pas du tout un travail pour le parti ou pour une œuvre, disons, de prosélytisme. C'était simplement essayer de restituer la période et puis l'histoire de l'Union démocratique bretonne. Évidemment, donc, on peut poser la question dès le départ de la légitimité d'un auteur qui est membre de son objet d'étude. Alors, toutes ces quelques circonvolutions, elles sont liées à ça. J'ai aussi écrit un autre livre, celui-ci, ça c'est une sorte de roman autobiographique. Je voulais faire un peu l'histoire d'une génération, c'est-à-dire des gens qui avaient à peu près le même âge que moi et qui ont été très sensibilisés par la fin de la guerre d'Algérie, parce qu'il y a une époque de très forte politisation, et qui ensuite donc, ont suivi un peu la même route, des gens dont vous avez entendu parler récemment, comme Éric Bourmelin ou d'autres, qui donc sont d'une même génération. Et au travers de c'est un roman autobiographique, J'ai essayé de faire l'histoire d'une génération, c'est-à-dire d'un groupe de quelques dizaines d'individus qui ont suivi à peu près le même parcours. Donc ça, c'était des étapes qui m'ont permis de faire cet ouvrage de 400 pages. Enfin, disons que je l'ai fait avec d'autres pour m'assurer du maximum de neutralité. Et j'ai vu des critiques ensuite dans la presse. Et alors, critiques me disant la deuxième partie de l'ouvrage est vraiment trop partisane. Or, c'est juste celle qui a été écrite par les gens qui n'ont aucun rapport avec l'idée. Et par contre, la première partie, on sent que ça a été écrit par quelqu'un d'extérieur. C'était moi. Donc, mission accomplie. Mon but, c'était quand même d'arriver à faire un travail historique. Et puisque j'ai réussi à tromper les critiques, c'est que je n'ai peut-être pas complètement échoué. Donc, question préalable, comme on peut dire, à l'Assemblée, sur la compatibilité du regard historique et du regard d'un adhérent. Cela dit, tout historien est citoyen. Donc, tout historien a aussi un regard politique sur le monde. Donc, tout historien doit faire cet exercice-là de distanciation, de se mettre en dehors de ses propres opinions, puis d'essayer de voir la réalité en enlevant le prisme de ses opinions. Alors moi, c'est ma méthode depuis très longtemps, puisque quand j'avais 20 ans que j'ai rejoint l'Union des pratiques bretonnes. C'était pas une démarche isolée, c'était une époque où les jeunes de 20 ans, ou même avant, s'engageaient beaucoup en politique. Et dans l'amphithéâtre de l'ancienne faculté des lettres à Rennes, place Hoche, ceux qui étaient engagés politiquement ou très près de l'être constituaient pas loin d'une moitié de l'amphithéâtre. Il y avait des effectifs considérables, avec notamment l'Union des étudiants communistes, qui peut avoir 200 étudiants en lettres qui en faisaient partie. L'engagement était plutôt à gauche à l'époque, parce que c'était un engagement souvent résultant de la guerre d'Algérie et de la lutte pour la paix en Algérie ou pour l'indépendance. Donc moi, j'étais un peu plus jeune et je suis arrivé donc à Rennes juste après la guerre d'Algérie, donc à la rentrée 1962. Personnellement, j'avais été marqué par un enseignant un peu de hors pair dans mon lycée, qui était un ancien député de Saint-Brieuc, Antoine Mazier, cofondateur du PSU, et qui par ailleurs est devenu maire de Saint-Brieuc en 62 justement. Quand moi j'arrivais comme étudiant ici, lui venait d'être élu maire de Saint-Brieuc à la faveur d'une élection partielle, puisqu'il y a eu annulation d'élection. Donc j'ai eu cette marque-là d'un enseignant, disons, socialiste humaniste. Et puis, c'était une époque, il faut situer un peu le contexte, où la Bretagne bougeait énormément. Depuis les années 50, donc, le mouvement d'émigration des jeunes avait repris de façon assez intense. Un mouvement de scolarisation universitaire fort. Donc les Bretons arrivaient donc est une des populations les plus scolarisées et même les plus scolarisées au niveau universitaire, et ce qui accroissait l'émigration, puisque les emplois que la Bretagne pouvait fournir étaient des emplois majoritairement non qualifiés. Donc plus on se formait, plus on émigrait. Et ce problème-là était un élément de prise de conscience chez les étudiants, hein, parce que ceux qui étaient attachés à leur région n'avaient pas forcément envie donc de partir travailler dans les régions industrielles et avait la tentation de demander de l'emploi en Bretagne. Donc il y a tout un mouvement qui a démarré au début des années 50 avec le CELIB, Comité d'études et de liaison des intérêts bretons, hein, et qui était animé par des grands notables, souvent issus de la résistance, comme René Pleven, hein, qui était dans les forces, enfin, qui était à Londres avec De Gaulle. Et ces grands notables donc, voulaient que l'État fasse un effort d'amélioration des infrastructures en Bretagne. Et ils ont donc créé ces comités d'études et de liaison des intérêts bretons en s'appuyant sur les travaux de géographes, dont un futur enseignant de l'Université de Rennes qui était Michel Fliponneau. Donc il faut voir ce contexte. un mouvement, disons, socio-économique de notables cherchant à obtenir un rattrapage pour la Bretagne et puis la décentralisation d'emplois. Le régime, c'était la 4e République, qui était un régime faible et instable, mais en même temps qui a réalisé pas mal de choses. Et ce régime, disons, relativement faible et instable, pouvait être sensible aux pressions, notamment à la pression du Célib, qui a incité les gouvernements de l'époque à engager une politique d'aménagement du territoire. Donc l'aménagement du territoire en France est né en Bretagne, dans un certain nombre de cerveaux, qui ont réussi à partager cette vision avec une majorité du personnel politique, notamment des gouvernants. Il faut savoir que René Pleven, qui était président du Célib, a été de nombreuses fois ministre. Les gouvernements duraient en moyenne 6 mois, mais il était pratiquement de tous les gouvernements, un petit peu comme François Mitterrand, sous la 4e République. Donc, contexte, un mouvement socio-économique fort, mais pas de mouvement breton politique à cause d'événements passés. Le mouvement breton politique naît au lendemain de la guerre 14-18, en particulier des déceptions et des souffrances liées à la guerre. Ce mouvement-là donc avait une droite, une gauche, comme tous les mouvements. Et puis dans les années 30, c'est la partie la plus engagée à droite qui l'a emporté et qui s'est retrouvée donc, au moment de la défaite française. Donc, après l'arrêt des combats, comme seul représentant le mouvement breton. Donc le mouvement breton a gardé une image par la suite dans la population, plus ou moins liée à la collaboration ou alors au pétainisme. C'était donc le discrédit, et on a donc un mouvement socio-économique et syndical, puisque le Célib s'appuie sur les syndicats et s'appuie aussi sur les syndicats agricoles. La grande force de frappe au point de vue social à l'époque, ce sont les syndicats agricoles qui sont animés par des militants de la jeunesse agricole chrétienne et qui ont une vision de la modernisation. La Bretagne ne s'en tirera pas si elle ne se modernise pas et si elle n'adopte pas des méthodes modernes. Donc il y a cet enjeu-là, mais l'absence d'expression politique. On a un mouvement syndical, un mouvement social, un mouvement économique, mais sur le plan politique, le passé fait qu'il n'y a pas de force politique bretonne. En 1957, a été fondé un mouvement qui s'appelait le Mouvement pour l'organisation de la Bretagne, MOB, MOB, et ce mouvement était un mouvement ni droite ni gauche, et qui n'empêchait pas l'appartenance politique à un parti. Donc on a des gens de droite, des gens de gauche, y compris des militants socialistes, qui vont adhérer à ce mouvement pour l'organisation de la Bretagne, et mouvement régionaliste, annoncé comme régionaliste, et qui a pour objectif de donner un appui au Célib. Donc l'action des grands élus, si elle s'appuie sur une force politique structurée, pourra être plus efficace. Donc voilà le contexte des années 50. Début des années 60, une politisation très forte, une Troisième République qui s'est effondrée en 58, et des notables qui travaillent ensemble, un peu toutes tendances confondues. Au sein du Célib coexistent les notables de droite jusqu'aux notables socialistes et même du PSU, comme Tanguy Prigent plus tard, et Antoine Mazier. Donc, le président du Célib peut être René Pleven, disons radical, la tendance politique, en gros c'est radical. Et puis son vice-président, un des vice-présidents du Célib, c'est François-Tanguy Prigent, PSU. Donc ça vous montre un peu comment le Célib représente finalement assez bien l'ensemble des intérêts bretons, parce que tout le monde finalement en Bretagne a intérêt à ce qu'il y ait un minimum de développement économique et d'emploi. C'est vrai pour les syndicats, et même la CGT adhéra au Célib en 1962. Donc tout le monde y est. La CFTC est devenue CFDT, et le syndicat plus actif au sein du Célib, mais tous les autres syndicats y sont également, et la CGT y adhère. Par contre, en 1960, la CGT était contre la décentralisation parce que amener des emplois dans l'électronique à Lannion, par exemple, dans le Trégor, ce serait enlever des emplois à la classe ouvrière de la région parisienne. Donc la CGT, en Bretagne, en 1960, combattait la décentralisation. Mais bon, ça a changé puisqu'en 1962, elle a finalement, elle aussi, rejoint le CELIB. Donc le MOB dont j'ai parlé, le MOB, connaît un certain essor sur la base d'aménager l'appartement Bretagne de la Maison France, il y a la Maison France, mais il y a le quartier Europe, quelque chose comme ça. Enfin, l'Europe figure également dans l'expression du mouvement. Le défaut que pouvait avoir le mouvement, c'est qu'il... il est lancé par d'anciens du mouvement breton d'avant la guerre, dont certains n'ont pas été particulièrement résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le fait de mélanger des gens de gauche, des gens de droite, mais aussi d'anciens qui ont été proches du pétainisme, pouvait être mal vu. Cela dit, au niveau français, c'était courant. Si vous prenez quelqu'un comme René Pinet, un des leaders de la droite, c'était un ancien pétainiste. Et une bonne partie de la classe politique française était des pétainistes recyclés. Parce que c'est comme ça. Disons qu'en le 22 juin 40, il y a eu la plus grande majorité des députés et des sénateurs qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc c'est juste une question de date. Il a fallu plus ou moins de temps aux uns ou aux autres pour changer d'opinion. Donc, le défaut du MOB, c'est qu'il a, parmi ses instigateurs, un certain Yann Fouéré, qui a été journaliste et directeur de journal pendant la Seconde Guerre mondiale, qui dirigeait le journal La Dépêche de Brest, à un moment donné, et puis également un quotidien La Bretagne. Et donc, il était forcément lié, un journal qui paraissait pendant la guerre, était forcément lié à la censure et au régime de Vichy, parce qu'aucun journal ne pouvait paraître de façon légale sans être soumis à ces contraintes. Donc Yann Fouéré, lui, marquait un peu ce mouvement du MOB, qui en lui-même, je vous l'ai dit, comprenait d'anciens résistants, mais le fait qu'il y ait une présence d'anciens non-résistants va être utilisé notamment par l'administration pour essayer de déconsidérer le mouvement. Et dans ce MOB, donc, guerre d'Algérie, quelle position prendre? La partie la plus conservatrice dit qu'il faut garder l'Algérie française. Et puis les jeunes du MOB, beaucoup plus de gauche, prennent la tête, même sur Rennes, du mouvement pour l'indépendance de l'Algérie, le mouvement pour la paix en Algérie. Et donc la section étudiante du mouvement pour l'organisation de la Bretagne, du MOB, va animer finalement sur Rennes la lutte pour la paix en Algérie. Et les jeunes du MOB, si vous voulez, sont bien marqués à gauche, alors que le mouvement, globalement, comprend de tout et qu'une partie de ses leaders sont bien marqués à droite. Donc il y a effectivement un conflit au sein du MOB et ce conflit va se traduire bientôt par une rupture. Alors... Donc, qui sont ces jeunes du MOB qui participent à la lutte pour la paix en Algérie? Donc, ce sont des gens qui sont aussi syndiqués à l'UNEF. À l'époque, tout le monde se syndique à l'UNEF. Je suis arrivé à la faculté des lettres. Je me suis inscrit, j'ai pris ma carte d'étudiant. Et juste à côté, j'ai pris ma carte à l'UNEF. On prenait les deux en même temps. C'était presque aussi officiel de prendre sa carte au syndicat que de prendre sa carte d'étudiant. En plus, celui qui prenait sa carte à l'UNEF avait droit à une série de polycopiés. Et donc, il y avait un service rendu par le syndicat qui fait que 90% des arrivants, des jeunes étudiants arrivant, se syndiquaient. Donc, c'est quelque chose d'assez différent d'aujourd'hui, cette syndicalisation très très forte. À côté de ça, je vous l'ai dit aussi, une politisation. Et au sein de l'aile qui a milité le plus pour l'Algérie algérienne, vous avez des chrétiens de gauche, groupe Témoignages chrétiens, des communistes un peu plus tard, qui ont aussi participé à cette action pour l'Algérie indépendante. Et puis ces militants, jeunes militants bretons, qui sont aussi à l'UNEF et qui sont parfois aussi également militants chrétiens progressistes. Et donc ces gens-là, les jeunes du MOB, sont un peu le fer de lance du mouvement pour l'indépendance de l'Algérie. Certains vont assez loin d'ailleurs, comme Ronan Le Pron, l'un des fondateurs de l'UDB, qui va d'être porteur de valise, si on peut dire, c'est-à-dire apporter, transporter des documents ou des sommes d'argent pour les réseaux de soutien au FLN, Front de Libération Nationale de l'Algérie. Au cœur même de cette section étudiante du MOB, des gens très engagés, et même parfois avec des risques, impliquant des séjours en Suisse pour échapper aux arrestations. Et donc, lorsque la guerre d'Algérie cesse, l'indépendance est le 1er juillet 1962, ces gens très politisés, là, ils passent du combat pour l'Algérie indépendante au combat pour le développement de la Bretagne. Et c'est 1962, c'est aussi une date importante du point de vue politique française. C'est le moment où De Gaulle se brouille avec son assemblée sur la question de l'élection du président au suffrage universel. Il fait sa réforme constitutionnelle, les partis sont contre, et donc il obtient son oui au référendum, et puis il dissout l'assemblée pour avoir une assemblée qui lui soit favorable. Donc l'Assemblée, au lieu d'être, disons, assez équilibrée, il y a un raz-de-marée accentué par le mode de scrutin majoritaire, et l'Assemblée aura une majorité de gaullistes ou bien d'alliés du gaullisme, et le conflit droite-gauche va s'accentuer, hein, puisque le centre est passé, lui, dans l'opposition, et les électeurs du centre vont progressivement se recycler dans une bonne partie vers la gauche. Voilà donc la situation en 62, et donc le CELIB, qui est un organisme droite-gauche, il va se trouver un peu paralysé, puisque en son sein, il y a des gens de droite, des gaullistes, qui ne vont pas s'opposer au gouvernement, puisque le gouvernement Pompidou, ils sont élus pour le soutien au gouvernement Pompidou. Et par contre, la gauche, elle, va s'opposer beaucoup plus systématiquement à cette politique du gouvernement Pompidou. Ah, puisqu'après Debré, il y a eu Pompidou. Donc ça, c'est la 1962. Et la gauche s'est dit, on va créer notre propre CELIB. Et des syndicats, des partis de gauche se retrouvent à Pontivy. C'est toujours à Pontivy que se retrouvent les Bretons, c'est relativement central. Et donc ils veulent former un comité d'action pour la Bretagne, CAB. Et ce comité d'action, il y a des gens de toutes tendances, mais les jeunes du MOB viennent de Rennes, ils viennent d'étudiants du MOB, très engagés. Et puis à l'entrée, on leur dit non, vous n'avez pas le droit d'entrer, vous appartenez au MOB, qui est un mouvement fasciste. Le MOB n'était pas un mouvement fasciste, il pouvait y avoir un fasciste ou quelques fascistes au MOB, mais le MOB lui-même n'était pas un mouvement fasciste, mais on les refuse dans cette réunion. Et c'est là qu'ils prennent conscience qu'il faut réintégrer le mouvement breton dans la vie politique, et ce qui suppose un clivage droite-gauche, puisque la vie politique dans le monde entier se divise entre droite et gauche, entre progressistes et conservateurs. Et donc l'idée vient à ces jeunes-là de créer un parti politique, non plus un mouvement, mais un parti, ce qui suppose des orientations beaucoup plus précises. Et au cours de l'année 63, donc, ils décident de fonder l'Union démocratique bretonne, et début janvier 1964, apparaît le nouveau parti, l'Union démocratique bretonne, et puis avec sa charte, et puis un journal qui s'appelle Le Peuple Breton. Je montrerai l'exemplaire du numéro 1 tout à l'heure. Mais ils sont pas nombreux, hein. Il faut dire que ceux qui sont allés jusqu'au bout de la démarche de scission ne sont que, en gros, entre 14 et 17. Certains sont venus à la réunion et n'ont pas pris leur carte. C'est pour ça que suivant les sources, le nombre de 14 ou le nombre de 17 apparaît. Et donc ceux-là se disent, voilà, il faut intégrer la revendication bretonne dans les combats politiques, donc participer à la vie politique locale, participer aux élections. Et dès décembre 1965, ils ont été créés en 64. En mars 65, il y a élection municipale. Donc, l'UDB a un premier élu qui va être adjoint au Guilvinec, Jean-Paul Lebert. Et puis il y a eu d'autres candidats, mais qui n'ont pas été élus. Et puis en décembre 65, c'est l'élection présidentielle. Élection présidentielle donc, qui oppose De Gaulle à quatre candidats, ce qui était un combat très inégal. Et puis donc un candidat va représenter la gauche, parce que personne d'autre ne veut y aller. C'est François Mitterrand qui se lance. Il n'appartient ni au Parti communiste ni au Parti socialiste. Personne n'a envie de se compter. Donc on laisse Mitterrand y aller, puis finalement on va le soutenir. Et l'UDB, elle avait déjà contacté auparavant un candidat potentiel qui était Gaston Defer. Il y avait des candidats potentiels lancés par le journal L'Express sous le nom de Monsieur X. Et puis finalement, il n'a pas été au bout. Mitterrand s'est engouffré dans la brèche. Et l'UDB donc, a contacté Mitterrand en lui demandant s'il voulait s'engager pour une assemblée régionale élue au suffrage universel et pour un exécutif régional. Et Mitterrand a répondu oui pour l'assemblée régionale élue au suffrage universel, non à l'exécutif régional. Il pensait que l'exécutif régional devait rester le préfet, un préfet de région. Et donc, quand le DB a pris position, le Canuet, le candidat centriste, avait à peu près la même réponse. Mais l'UDB disait, nous, étant un parti de gauche, on va voter pour Mitterrand, tout en estimant qu'il ne va pas assez loin. Le journal de l'UDB que j'ai évoqué tout à l'heure, voilà, celui-là, c'est pas grand, hein, ça a été vendu 60 centimes de francs. Et j'ai vu, moi, une bande d'étudiants particulièrement agressifs, tendant ce journal nouveau à la sortie du restaurant universitaire. J'ai fui bien rapidement, parce que donc, leur slogan, donc, c'était « Lisez le peuple breton », journal autonomiste d'extrême gauche. Donc, autonomiste d'extrême gauche. Ça faisait deux raisons de s'enfuir. Parce que le mot autonomiste dans une partie de la population est perçu comme indépendantiste. Et puis extrême gauche, on a d'ailleurs pas forcément. Ça fait peur, disons. C'est pas le plus commercial comme argument de vente. Et donc, dès le premier numéro, il y a une charte. Et cette charte a été valable très très longtemps. Et il y a la dernière charte qui a été adoptée date de 99. Ça, c'était la charte de 64. Alors, c'est une charte de gauche, ils ont suprématie du travail sur le capital, laïcité, neutralité philosophique et religieuse, anti-racisme, anti-fascisme, et puis intégration fédéraliste des peuples européens. Mais l'article distinctif, c'est l'article 1. L'UDB est un parti rassemblant les Bretons et les amis de la Bretagne. C'est ouvert, il n'est pas question de dire que c'est réservé aux Bretons, conscient de la vocation nationale de la Bretagne. C'est là que c'est différent de ce qui avait existé avant. Alors, vocation nationale de la Bretagne, c'est pas nation. Ils ne disent pas que la Bretagne est une nation. Disons, les nationalistes bretons disent la Bretagne est une nation. Eux, ils ne disent pas la Bretagne est une nation, ils disent elle a une vocation nationale. C'est-à-dire qu'au stade de 1964, elle n'est pas une nation, mais elle pourrait éventuellement le devenir. Et ça a provoqué chez moi beaucoup de réflexions. Et dans le climat de 1964, je me sentais donc plutôt lié au socialisme humaniste. Et la notion, je trouvais qu'il manquait une dimension au socialisme humaniste, tel qu'il était pratiqué par Tanguy Prigent ou Antoine Mazier ou plus tard Mendès France. Il manquait la dimension régionale. Je voyais le journal du Célib qui s'appelait La Vie Bretonne, une revue remarquable d'ailleurs, avec plein de propositions pour un plan de développement régional. Et je ne retrouvais pas l'écho de ces propositions dans les propositions des partis existants. Donc je me disais, il en manque un, puisque les uns sont, intègrent la démocratie, mais il manque le niveau régional. Et les partis régionalistes qui existaient jusqu'alors, il manquait la dimension sociale. Donc je trouvais que l'UDB cadrait à peu près avec la conciliation des deux ambitions. Et c'est pour ça que j'y suis venu. J'avais cru entendre qu'il y avait à peu près 200 adhérents. En fait, il y en avait une petite trentaine. Donc j'avais été un petit peu dupé sur la marchandise. Et cela dit, donc, c'est un tout petit parti qui démarre et dont personne ne sait quel pourra être son avenir. Et donc on peut dire que depuis 1964 jusqu'à 1968, la croissance est très lente. Et par contre, en 68, il y a une explosion générale au sens prise de conscience de toutes sortes de choses. Beaucoup de barrières tombent. Moi, personnellement, j'étais professeur stagiaire à Paris. Donc, j'assiste au mai parisien. Et dans la cour de la Sorbonne, je vois un stand avec banderole, Comité pour la Révolution Socialiste des Régions. Et puis affiché sur un poteau, sur un arbre, parce que c'était dans la cour de la Sorbonne, il y avait des arbres, il y avait ce journal-là, qui était affiché, donc j'étais vraiment très content de découvrir le journal dans la cour de la Sorbonne. Et donc, en 68, ça, au niveau français, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire une ouverture des barrières qui tombent. La pensée politique française était structurée, la plupart des partis, par le jacobinisme. C'est-à-dire, la France est une et indivisible, pareil partout. L'idée du département, au départ, qui n'est pas du tout une idée républicaine, le département est une création monarchique. C'est-à-dire que l'idée avait germé, c'est un géographe du roi. Mais c'était de faire des losanges pour que tout soit interchangeable. Quoi. Et en 68, il y a quand même une prise de conscience suivant laquelle... on peut être français, mais on peut aussi, tout en étant français, citoyen français, être breton, occitan, basque, catalan, etc. etc. Et il faut, dans la logique des gens du DB, cette démarche était beaucoup plus facile, puisqu'ils avaient déjà eu la logique anticolonialiste. Et disons que les fondateurs de l'UDB, moi, les jeunes arrivant un an après, j'avais lu un livre fondamental, de quelqu'un que certains d'entre vous ont vu ici, qui était Albert Memmi. J'espère qu'il vit toujours. Oui, oui. Oui. Et donc Albert Memmi a écrit en 1957, je crois, le portrait du colonisé, suivi du portrait du colonisateur. Et dedans, donc, il y a une description des mécanismes coloniaux et de colonisation, interne ou externe. Ça peut s'appliquer au monde entier. C'est une pensée très universelle. Et c'est appliqué d'ailleurs au Québec, au sein de l'ensemble canadien, etc. Et donc les gens de l'UDB prenaient le portrait du colonisé et appliquaient cette grille de lecture au comportement des Bretons. Et c'est-à-dire que le colonisé, bon, il y a toute une logique de surenchère. Il a l'impression qu'il n'est pas tout à fait aussi français que les autres, donc il va en rajouter. Les Bretons sont deux fois plus français que les autres. Et d'ailleurs, on a eu deux fois plus de morts à la guerre 14, etc. Donc, on trouve des mécanismes de compensation pour, et de surenchère pour prouver sa francité. Et donc, ce qui se développe autour de 1968, c'est une conception beaucoup plus différenciée, plus ouverte, hein, où il y aura place pour les Occitans, place pour chacun avec son identité propre, ou identité collective propre, et identité individuelle également. Donc 68 ouvre les portes. D'ailleurs, juste avant le mouvement de mai 68, le peuple breton reçoit un nouveau collaborateur pour une chronique hebdomadaire, mensuelle pour nous. C'était Morvan Lebesque qui tenait une chronique dans le Canard Enchaîné et qui va aussi tenir une chronique dans le peuple breton. Et ces chroniques sont magnifiques, d'ailleurs, elles ont été rééditées, les chroniques de Morvan Lebesque dans le Canard Enchaîné. Et il y a toujours une part d'autocritique qui est assez émouvante. Il dit oui, il y a une époque j'ai été raciste, à une époque j'ai été antisémite, etc. Et puis c'est assez rare. Et les chroniqueurs ou les journalistes qui, dans leur article, sont capables de dire comment ils ont pu se tromper dans le passé, quoi. Donc, il y avait aussi autre plume nouvelle dans Le Peuple Breton. Il a été assez largement connu par la suite, Gwenc'hlan le Skoazek, celui qui a été l'auteur du guide de la Bretagne mystérieuse, un guide que les plus anciens d'entre nous connaissons. C'est quelqu'un de très cultivé, il était médecin spécialiste à Paris. Et donc il y a tout un tas de gens qui découvrent cette dimension collective-là. Ça va être aussi, peu de temps après, le Larzac, la bataille pour la non-militarisation du Larzac en Occitanie. Ça va être l'époque des chanteurs bretons et des chanteurs occitans, etc. Alan Stivell a déjà commencé sa grande carrière et à faire passer la langue bretonne et la musique bretonne sur les ondes nationales et même assez rapidement même européennes. Donc il y a un mouvement d'ouverture en France en 68, mais c'est beaucoup plus qu'en France d'ailleurs, et de prise de parole. Et ça va beaucoup de mouvements politiques vont en bénéficier, généralement de gauche ou d'extrême gauche, et l'UDB aussi va gonfler très très vite à vue d'œil, parce que donc c'est dans l'air du temps de s'engager, et puis aussi les vieilles barrières qui structuraient la pensée politique ont tendance à tomber. Donc il y a eu tellement d'adhésions, d'ailleurs qu'il n'y avait plus beaucoup de points communs entre ceux qui adhéraient. Et certains vous adhéraient en région parisienne pour s'emparer du DB, c'est-à-dire en faire une sorte de relais d'un mouvement révolutionnaire global, mais révolutionnaire global, mais partant plutôt de Paris que d'ailleurs. Donc une osmose qui se fait difficilement, c'est-à-dire entre des étudiants d'extrême gauche et puis un recrutement en Bretagne qui était beaucoup plus diversifié socialement et qui n'était pas seulement étudiant. Et en 70, 71, donc en 70 surtout, il y a une crise interne à l'UDB et une vague d'exclusion. Disons que les maoïstes et une partie de l'ultra-gauche sont exclus. Enfin, au départ, un petit groupe seulement, une section de Paris, et puis d'autres, parce qu'il fallait que les membres du parti approuvent l'exclusion des autres. Ce qui est agréable à faire. Donc là, il y a dû avoir une cinquantaine de départs pour à peu près une 150 adhérents à l'époque. Donc on devait être passé en gros de 14 ou 15 à 150. Et puis après cette vague d'exclusion, on retombe à une centaine. C'est à ce moment-là que la base étudiante rennaise est perdue, puisque pratiquement tous les étudiants de Rennes sont exclus. Et donc l'UDB part sur de nouvelles bases, centrées sur une autre ville, sur Brest. Et à Brest, donc l'UDB va relativement s'implanter dans l'électronique, chez Thomson par exemple. On aura des techniciens de chez Thomson, des ouvriers de chez Thomson, et dans les syndicats. Donc c'est plus l'UDB étudiante des années 1964-70, c'est une nouvelle UDB qui naît. À Rennes, l'UDB va rester faible assez longtemps, à cause de cette crise mal gérée d'ailleurs, parce qu'elle a acquis une réputation de stalinisme, ce qui n'était pas. Enfin, le mot est un peu fort, hein. Puisqu'une exclusion du DB, d'après le règlement intérieur, était valable 6 mois, donc ce n'était pas non plus une exécution. Cela dit, donc, ça a laissé une mauvaise impression, c'est un peu parti communiste, hein, le parti communiste aussi était coutumier d'exclusion périodique de ses étudiants. Généralement, l'Union des étudiants communistes, à un moment donné, entrait en conflit avec le parti, et puis il se faisait exclure, et ainsi de suite. Un parallèle, d'ailleurs, la jeunesse étudiante chrétienne avait aussi ses exclusions, ouais, ses scissions, ouais. Et là aussi, il y avait l'appareil qui est en conflit avec la base. Un peu dans toute la société, on a ce phénomène-là, de conflit d'un appareil avec la base. Donc les années 70 sont très différentes, sont des années de croissance. Disons qu'entre 1970, on passe à peu près de 150, et autour de 1978, on est autour de 2000. Donc c'est un des chiffres que le mouvement breton n'avait jamais atteint et que peu de partis régionalistes en France avaient atteint. Donc une croissance importante. Beaucoup de syndicalistes, de gens syndiqués. D'ailleurs, il y a une consigne à l'UDB, c'est que quand on y adhère, on est syndiqué. Et donc c'est une UDB beaucoup plus ouvrière ou alors fonctionnaire que l'on voit se développer. Au cours des années 70, avec dès 73, un adjoint dans une grande ville, Joël Guégan, adjoint à Lorient. Il a été adjoint 30 ans dans la ville de Lorient. Et puis en 1900, toujours en 73, pardon, 71. L'élection municipale, c'est pas 73, c'est 1971. Oui, donc un adjoint à Lorient, et puis à Brest, refus du Parti Socialiste et du Parti Communiste de faire une place à l'UDB. L'UDB fait sa liste tout seul et obtient 5%. 5% dans une ville comme Brest, c'était pas rien. Et ce qui fait que par la suite, donc, le principe de liste d'union de la gauche avec l'UDB est acquis. Ils ont compris, donc, les partis dominants, qu'il faut faire alliance avec l'UDB. On est dans une époque où la gauche progresse, hein, au niveau français. Les années 70, hein, c'est les années Giscard. Et bon, c'est aussi le début d'une certaine crise, hein, une croissance plus lente. Et puis une poussée de la gauche très forte, notamment en Bretagne. Et d'abord une poussée socialiste, et puis une poussée de l'ensemble de la gauche. Le Parti communiste lui aussi monte. Et l'UDB de son côté monte aussi. Le PSU, bon, plus en concurrence avec le Parti socialiste. Mais toutes les forces de gauche progressent. Et ça se traduit par un succès important de la gauche en 1976 au cantonal. Et en 1977, alors c'est un grand déclic, la plupart des grandes villes bretonnes, des villes bretonnes, basculent à gauche. Donc la gauche avait une image, la Bretagne avait une image de terre conservatrice, qui n'était pas exacte d'ailleurs. Il y a toujours eu en gros un tiers de gauche, un tiers de centriste, mais véritablement centriste, il n'y a pas de droite, et puis à peu près un tiers de droite. Et donc, on voit le centrisme s'affaiblir, la gauche se renforcer et remporter donc ces élections municipales avec notamment Rennes, Brest, bien sûr, Lorient, bien sûr, Saint-Brieuc toujours, et Quimper, etc. Enfin, on peut multiplier les exemples. Et même à un moment donné, Saint-Malo va basculer. Donc c'est un phénomène général. Comment expliquer ça d'ailleurs, c'est le centre qui bascule vers la gauche, en même temps que le Parti Socialiste s'est modernisé et devenu un parti moins exclusivement laïque, mais plus ouvert aux chrétiens de gauche. Le Parti Socialiste Unifié avait montré la voie et le Parti Socialiste a continué, avec des leaders comme Le Pincec ou bien Jocelyn, qui sont députés, élus députés en 1973. Donc 1977, c'est l'entrée du parti autonomiste dans la plupart des municipalités. Et à l'UDB, donc, on croit que c'est arrivé, c'est-à-dire que l'année suivante, en 78, que la gauche va remporter les élections, et puis qu'elle remportera les présidentielles, et qu'arrivant au pouvoir comme allié, l'UDB pourra obtenir une véritable régionalisation. Donc voilà un peu le scénario que l'on peut envisager en 1977, ce qui n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, c'est parce que en 77, donc cette victoire de la gauche a beaucoup profité aux socialistes, nettement moins aux communistes, et il y a eu rupture de l'union de la gauche au sommet. C'était Georges Marchais, certains d'entre vous ont entendu ce nom-là, et il était en vacances en Corse et il a dit à sa femme: Liliane, fais les valises. Après, ça a été modifié en Liliane, faisons les valises. C'était... Et donc, il revenait en France, donc enfin, il revenait en métropole pour rompre l'union de la gauche et engager des attaques très fortes contre les socialistes. Je me souviens de son alter ego, enfin son numéro 2, c'était Charles Fitterman, futur ministre. Dans un meeting à Saint-Brieuc, déclarant, il parlait de, oui, Giscard, Helmut Schmidt, parce que le pendant de Giscard en Allemagne, c'était chancelier Schmidt, social-démocrate, Helmut Schmidt, c'est pire que Giscard. Donc Mitterrand, c'est pire que Giscard. Donc le Parti communiste, le message du Parti communiste, c'est qu'il fallait voter communiste et surtout pas voter socialiste. Cela dit, les élections en France ont deux tours. Et si vous attaquez trop le voisin entre les deux tours, au deuxième tour, le total des voix n'est pas bon. Ce qui fait que la gauche perd elle-même les élections de 1978, élections législatives. Elle se bat toute seule. Et contrairement à tout ce qui était prévu et à la sociologie et à beaucoup d'autres choses, c'est la droite qui est le centre qui remporte les élections de 78. Et donc Giscard peut continuer son mandat avec comme premier ministre Raymond Barre. En Bretagne, donc, élections législatives de 78, la gauche les perd alors qu'elle aurait pu les gagner. Et puis l'UDB, pour la première fois, se présentait presque partout aux législatives. Alors là, c'est une désillusion totale. Les stratèges de l'UDB n'avaient pas fait beaucoup de sciences politiques. Ils ne s'étaient pas rendu compte qu'une élection locale, ce n'est pas du tout une élection nationale, entre guillemets. Et ils avaient simplement projeté les résultats locaux sur les résultats nationaux. Or, la moyenne, donc, lors de cette élection de 78, a dû être de l'ordre de un peu moins de 2% pour les candidats UDB, alors qu'il y avait eu des campagnes avec des moyens financiers et beaucoup de moyens militants, puisque 2000 adhérents en majorité jeunes, ça fait quand même une force que très peu de partis avaient. Les forces militantes, à une époque, sur un petit peu avant sur Rennes, vous aviez une cinquantaine de militants UDB et vous aviez peut-être 5 militants socialistes, dont Edmond Hervé, qui était mon voisin de cité universitaire, et Bietri, qui a été président du Paris Saint-Germain après. Et voilà, il y avait peut-être 5 militants socialistes, presque personne n'était au Parti Socialiste. Par contre, les voix, elles, étaient socialistes. Et donc, élection de 78, la gauche est battue et entre dans une phase de conflit interne. 79, des cantonales qui marchent très très bien pour l'UDB et pour la gauche. Et, bizarrement, parce que c'est une élection intermédiaire, il y a beaucoup d'abstention. Il y a un mécontentement qui monte parce que la situation économique n'est pas bonne. Et donc, la gauche, après avoir perdu 78, va gagner tout le reste, va gagner les cantonales de 79 et puis va gagner les présidentielles de 81 et va gagner les législatives de 81 également. En 81, donc, l'UDB signe un accord avec le PSU, il y a un partage des circonscriptions et on passe de un peu moins de 2% à 2,5% à peu près, ce qui montre quand même que le problème, il y a un gros problème des idées régionalistes au niveau des législatives. Lorsqu'on vote au niveau national, le vote régionaliste n'a pas de poids. Alors que lorsqu'on vote au niveau local, il peut avoir un certain poids. Je n'ai pas signalé, mais en 1979, la moyenne de tous les candidats UDB en Bretagne, ça devait être 36 candidats au cantonal, a été d'à peu près 6%. Donc c'est des 6%, ce n'est pas du tout négligeable. Pour une formation nouvelle venue, et il y aura très peu d'émergences comme ça. En 92, vous aurez l'émergence des Verts et de Génération Écologie, hein, qui vont totaliser à eux deux à peu près 12%, enfin en deux paquets. Mais ça, c'est simplement lorsqu'il y a une grande crise du Parti Socialiste que les voix se répartissent ailleurs et que les partis secondaires ont une chance de monter. Donc toute la stratégie de l'UDB, Union de la Gauche, discussion très ferme avec les deux partenaires, c'est-à-dire que l'UDB n'était pas un partenaire facile, mais en même temps, au moment des élections, consigne, on vote comme un seul homme au deuxième tour pour le candidat de gauche restant en tête. Et donc, avec ce système-là, donc, il y a toujours une ambiguïté dans l'opinion. On considère, l'opinion moins politisée, que l'UDB se soumet pour avoir des places. Qu'il y aurait une sorte de course aux places d'élus par l'UDB, impliquant sa soumission au parti jacobin qu'étaient encore les socialistes et les communistes. Bon, l'autre raison pour laquelle l'UDB n'a pas réussi de percer, c'est que le parti socialiste de l'époque, mené par Louis Le Pinsec, Michel Fipponeau, est très régionaliste. Ils ont monté une structure régionale qui s'appelle le BREIS, Bureau Régional d'Études et d'Informations Socialistes, qui fait un programme breton. Et d'ailleurs, Louis Le Pensec, en 81, dit bah, l'UDB n'a plus lieu d'exister puisque nous, socialistes, nous allons appliquer son programme. Et effectivement, la conviction de Louis Le Pensec, c'était d'appliquer à peu près le programme de l'UDB, réforme régionale forte, exécutif régional, loi sur les langues régionales, etc., enseignement des langues minoritaires. Donc, les militants socialistes régionalistes vont faire de gros efforts, mais ça ne débouchera jamais parce que les régions où ils sont bien implantés sont finalement peu nombreuses. Et à l'échelle de la masse des adhérents du Parti socialiste, ces idées-là n'ont pas beaucoup de poids. Donc Mitterrand, finalement, a quand même accordé une réforme régionale en 82. Les premières élections régionales ont eu lieu en 86 et ont donné. Étaient faussées d'avance parce que c'était le même jour que les législatives. Alors imaginez que vous votez le même jour pour votre député au niveau national et pour votre assemblée régionale, le vote est le même, quoi. Hein, vous avez deux urnes. Quand on dépouille, c'est le même vote. C'est plus un vote régional, c'est un vote national. C'était le même jour. Donc c'était une réforme régionale, disons, une cotte mal taillée, comme avait déclaré Gaston Defferre. Et Gaston Defferre nous avait déclaré, à nous, UDB, oui, c'est le président qui a décidé que il y aurait priorité aux départements. Non seulement on ne supprime pas les départements comme on avait promis, mais on les garde et ils auront plus de poids que les régions. Ça, c'est la volonté du président. Donc à ce moment-là, l'UDB paraissait avoir échoué et elle connaît une crise interne très forte. Il y a toute une crise notamment qui concerne la région de Brest, avec une partie, deux fédérations d'UDB qui vont faire scission sous le nom de Francis Breizh. La scission date de 84. Disons qu'on ça va mal, aussi bien dans un groupe que dans un ménage ou que dans un parti. Il y a des divorces. Et donc là, c'était une sorte de divorce au sein du DB. Le clivage, c'était plus d'autonomie ou moins d'autonomie, hein, par rapport aux forces politiques françaises, nationales. Et donc, un climat passionnel très mauvais, des divisions terribles, et cette crise qui a vu la naissance du mouvement Francis Breizh sur Brest a duré 15 ans ou 20 ans. Enfin, c'est quelque chose d'énorme, et j'ai beau avoir cherché dans les mémoires, je n'ai pas réussi à en reconstituer l'historique de façon sérieuse. Oui, Bonnet, oui. Il y a toujours une revue qui s'appelle comme ça. Oui. C'est-à-dire que la Fédération de Brest est devenue parti indépendant, un parti Francis Breizh, Liberté Bretagne, et ils ont existé donc jusqu'aux années 2000, et ils avaient un bulletin qui s'appelait Bonnet Rouge, rien à voir avec les Bonnets Rouges d'aujourd'hui, et ce bulletin existe toujours, c'est l'organe des élus de la Fédération de Brest. Et comme il y a eu refusion, c'est-à-dire que les deux groupes séparés se sont réunifiés, un petit peu comme si les catholiques et les anglicans se remettaient ensemble. Et puis, le bulletin Bonnet Rouge, Francis Breizh sur Brest doit encore exister. Mais les morceaux ont été recollés 15 ou 20 ans après. Les jeunes demandaient, mais pourquoi il y a eu ça? Et personne n'était fichu de leur expliquer pourquoi le parti s'était divisé en deux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais tenter d'écrire une histoire de l'UDB parce que les gens ne comprenaient plus rien. Il faut dire qu'un parti non institutionnel a très peu d'archives, hein, très pas de permanents en général, ou très peu, pas de locaux publics, enfin de locaux appartenant au parti. Donc les archives sont chez les uns, chez les autres. Ce qui fait que la mémoire et l'histoire des petits partis, quels qu'ils soient, est très problématique. Et aujourd'hui, ça avait été un des problèmes soulevés lors du colloque de l'IEP et du CRAP l'an dernier à Rennes. Comment garder une mémoire? La seule chose que l'on ait, c'est les collections du journal Le Peuple Breton, jusqu'à nos jours, puisqu'il y a eu continuité absolue, et les publications du parti. Donc, autrement, les journaux intérieurs ça devient plus difficile à trouver. Et d'autre part, il faut savoir qu'un journal intérieur, il ne contient pas tout. On savait bien que le journal intérieur était lu par les renseignements généraux, etc. Donc quand il y a une décision qui pourrait, qu'on n'a pas envie de faire connaître, on ne la met pas dans le journal intérieur. Et ce n'est pas que pour un parti, c'est pour tous les partis. Donc comme source d'information, il reste les archives individuelles et les mémoires individuelles. Et donc ça, ce n'est pas évident du point de vue de la recherche historique. Non. C'est là que pour moi, le fait d'avoir un vécu au quotidien pendant un demi-siècle m'a rendu la tâche beaucoup plus facile que pour quelqu'un qui viendrait de l'extérieur découvrir la question, parce qu'il y a plein d'éléments qu'on évoque dans le livre et dont nous n'avons actuellement aucune trace matérielle. On peut faire par recoupement de témoignages, mais pas par trace écrite. Je n'ai pas signalé tout à l'heure cette petite brochure qui était le slogan de la Bretagne, de l'UDB à l'époque. Personnellement, je la voulais comme document pour ce livre-là, parce qu'on a mis 150 documents dans le livre. Donc j'ai dû chercher sur Internet pour me procurer une de ces brochures qui a été pourtant tirée et diffusée à 12 000 exemplaires. Donc c'est pas rien à l'échelle de la Bretagne. Ce petit livre-là rassemblait les arguments de l'UDB, alors l'analyse, la grille du problème colonial à l'européenne. L'UDB n'a jamais prétendu que la Bretagne était une colonie comme les pays du tiers-monde, mais il dit qu'il y a un phénomène de domination de région par un centre, dans le cas du centralisme, et puis propose ensuite des solutions. Et ce petit livre-là, il était partout, et il était sous forme d'affiches également. Ça, c'était la couleur des affiches de l'UDB, signe distinctif. Bon, ce n'était pas des grands moyens financiers, mais ça marquait relativement bien. Et c'est pour ça que l'éditeur, qui n'est pas du tout l'UDB, a choisi à nouveau le jaune comme couleur de la couverture. Et vous avez sur le livre les différents logos, les différentes époques de l'UDB. Donc, on en est resté à 84, une crise terrible. Disons un tiers de l'UDB qui s'en va, parce que le gros noyau était Brest, la région de Brest. Et puis, la grande manifestation de l'UDB, c'était une fête annuelle qu'on pourrait presque comparer un peu aux vieilles charrues, qui s'appelait la fête du peuple breton, à Brest. Et c'était 3 jours de fête gigantesque, avec des vedettes, par exemple le groupe chilien Quilapayún, etc. C'était des vedettes de l'époque, avec en plus l'engagement politique, un petit peu ce que faisaient et ce que font toujours les communistes avec la fête de l'humanité. Donc il y avait une sorte de mimétisme de l'époque, dans les années 70 jusqu'à 84, entre l'UDB et le Parti communiste. L'UDB n'était pas communiste, l'UDB c'était une sorte d'union de la gauche bretonne. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des gens qui seront proches des communistes que d'autres qui sont proches des socialistes, ou d'autres qui seront plus du centre-gauche, ou d'autres autogestionnaires, mais ce n'est pas un parti homogène comme peut l'être le Parti communiste ou comme pourrait l'être le Parti socialiste. Donc, qu'est-ce que l'UDB, le modèle qu'elle voulait imiter au point de vue méthode, c'était le Parti communiste, parce qu'apparemment, dans les années 70, c'est ce qui marchait. Le Parti communiste était discipliné, bien organisé, progressé. Donc il y avait un peu cette fascination-là pour le modèle communiste organisationnel. Ce qui fait que pour les gens qui se limitaient à l'apparence, donc l'UDB était une sorte de filiale ou bien de petit frère du Parti communiste, ce qui n'était pas le cas en réalité. Il y aurait suffi d'ailleurs, la question a été posée à Georges Marchais. Georges Marchais avait engagé un débat idéologique avec l'UDB. Il existait à l'époque un tout petit parti qui s'appelait le Parti communiste breton. Alors on avait demandé à Jean de Marché, qu'est-ce que vous pensez du Parti communiste breton? Il avait répondu, ils sont certainement bretons, mais certainement pas communistes. Oui. Enfin, c'était la réponse à la Marché, qui mettait les rieurs de son côté. Et c'était une bête politique. Mais c'est très étonnant, c'est que sur le plan breton, il y a eu un vrai débat. C'est-à-dire que Il disait oui, c'est normal que votre langue bretonne soit enseignée normalement dans les écoles de la République. Et il allait assez loin dans le débat. Et il n'était pas dans le jacobinisme très frileux qu'on a vu se développer depuis les années 90, chez M. Mélenchon par exemple, où tout ce qui est différent est haïssable, quoi. Et donc, c'était curieux ce débat avec Marché, qui était plus facile que le débat avec les socialistes, puisque les socialistes étaient déjà tellement divers qu'on ne savait pas avec lequel on pouvait débattre, puisqu'aucun n'exprimait la ligne du parti. Et oui, Michel Fipponneau d'ailleurs a été exclu à Rennes du Parti Socialiste en 1985 ou 86. Non, enfin, avant les municipales, donc c'était 86, oui. 81, autour de 86. Et donc, les socialistes qui exprimaient des idées bretonnes trop fortes ne représentaient pas la ligne. Et dans les années 80, alors fin des années 80, début des années 90, le Parti Socialiste a été dominé par un nouveau courant, les Fabusiens. Les Fabusiens, le courant Fabusien était tout sauf régionaliste. Donc il y avait chez les Fabusiens ni vision européenne, ni vision régionale. Donc le problème avec l'UDB devenait plus grand, quoi. Et donc on a toute une nouvelle catégorie de responsables socialistes qui ne sont plus des gens du terrain. Jusque-là, beaucoup de responsables socialistes étaient d'anciens syndicalistes qui avaient fait carrière ensuite dans la politique. Généralement, ils étaient passés par la CFDT. Et la CFDT, Edmond Maire, avait une ouverture aux problèmes régionaux assez forte. Edmond Maire disait « on peut parler en Bretagne d'une situation de type colonial ». Sans être évidemment séparatiste en aucune forme. Et donc après le Parti Socialiste, dans les années 90, il se jospinise et il se fabiusise, si on peut dire. Et autrement dit, il est beaucoup moins sensible aux questions régionales. Et puis ses candidats sont de plus en plus d'anciens attachés parlementaires, qui sont d'abord passés par la jeunesse socialiste, puis attachés parlementaires, puis suppléants, députés suppléants, et puis députés. Et ces gens-là, donc, un peu des candidats hors sol, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on les envoie où on peut les replacer, et ils défendent beaucoup moins un territoire, ils le connaissent moins d'ailleurs, et ils ne prennent pas de risques pour leur carrière. Et on peut citer un breton parmi eux, dans ce genre-là, c'est Benoît Hamon, qui est brestois. Qui est brestois et puis qui jamais ne le dira d'ailleurs, il est brestois et qui en a presque honte. Et donc c'est assez curieux, c'est qui a été ministre de l'éducation d'ailleurs. Ce qui est très amusant, c'est que c'était l'un des étudiants qui en histoire avait eu le plus de difficultés dans ses études à Brest, et c'est lui qui est devenu ministre de l'éducation. Bon, c'était un 6 que vous voudriez bien effacer peut-être de la bande magnétique. Oui. Donc voilà, on est arrivé en 84. Après 84, donc, ce parti socialiste qui évolue, il se renforce sans arrêt en Bretagne. Et aux élections de 88, c'est un raz-de-marée socialiste. Il y a une majorité de députés de gauche, encore peut-être pas plus forte qu'en 81. Et la Bretagne, qui était plus à droite que la moyenne française, à partir de 86-88, est toujours nettement plus à gauche que la moyenne française. Et c'est vrai jusqu'à maintenant. Alors, il y a un des éléments d'explication, c'est que le Front National était beaucoup plus faible en Bretagne. Donc, si au lieu de faire 15% ailleurs, il faisait que 6% ici, ça diminuait d'autant le pourcentage classé droite et extrême droite. Et ça permettait aussi de gagner à gauche, quoi. Donc la faiblesse relative du Front National permettait finalement de maintenir les positions de la gauche, quoi, en Bretagne. Donc ça, c'est cette évolution des années 84-98. Alors je vous ai laissé une UDB en très très mauvais état. Je vous ai dit qu'elle organisait une grande fête à Brest. À partir de 83, la fête ne rapporte plus rien. Et alors qu'elle devait financer le journal et le parti, elle est déficitaire. Alors, la première fois, elle a été déficitaire parce qu'il y a eu des détournements de fonds. Un système de détournement de fonds. Et puis par la suite, comme elle est déficitaire, on ne peut plus l'organiser. Donc c'était une grande vitrine de l'UDB qui disparaît. Et on peut dire que ce qui a remplacé un peu, en point de vue attraction, avec un sens beaucoup plus populaire, ce sont les charrues. Organisées par une association sans caractère politique et attirant quand même des gens de très loin pour un événement culturel au cœur de la Bretagne bretonnante. Et quand c'est quand la fête du peuple breton ? La première fête du peuple breton devait être autour de 1974, par là, à Morlaix. Et puis ensuite, elle a migré à Brest, Pinfeld, où elle a eu un grand succès. Et c'était devenu un événement culturel au niveau de la Bretagne. Et donc, elle a arrêté en 83 à cause du déficit. Donc, 84, comme on n'a plus rien pour financer le déficit du journal, parce qu'un journal est déficitaire, un journal qui a peu de publicité. Et donc, il faut prendre des emprunts bancaires, hypothéquer. On est quelques responsables à avoir hypothéqué nos maisons. Hein. Et il faut dire que donc c'est pas une sinécure d'être militant d'un parti minoritaire, dont un tiers des adhérents sont partis, c'est-à-dire qu'ils n'assument plus leurs obligations. Donc pendant quelques années, l'UDB rame pour payer ses dettes, ce qui ne lui permet pas de présence électorale avec des moyens significatifs. N'oubliez pas que le parti qui fait moins de 5%, il n'est pas remboursé. Donc, il va dépenser 10 fois moins qu'un autre, puisque lui, il doit payer ses factures, alors que pour les autres partis, c'est remboursé dans le cadre de la campagne officielle. Donc, c'est une période extrêmement dure. Et on peut dire qu'à partir de 88-89, il y a un redressement assez net, c'est-à-dire des jeunes vont venir. Parmi ces jeunes, en 1988, arrive Christian Guillon-Vard. Il avait à l'époque 20 ans, c'est ça ? Non, il est arrivé à 20 ans, c'est en 84. Oui, parce que j'ai 20 ans de plus que lui. Christian Guillon-Vard rentre à l'UDB, beaucoup de capacités, et d'autres également, ce qui fait que l'UDB va se mettre à produire des documents. Des cahiers, on appelait ça les cahiers du peuple breton. Là, c'est sur les Bretons et la Révolution. C'est un travail historique pour resituer les Bretons dans la Révolution et donner un autre sens que celui que donnaient les livres d'habitude à la chouannerie. Un autre cahier sur l'écologie, deux autres sur un seul procès du centralisme, parce que le fonctionnement centralisé de l'économie française et de la politique française. Et puis un autre sur un monde solidaire, c'est-à-dire la place de la Bretagne dans un monde qui comprend évidemment les pays non industrialisés. Donc il y a une production intellectuelle très intéressante, un cahier aussi sur l'agriculture. On peut dire que pendant des années, il se construit quelque chose de nouveau. Ça ne se voit pas beaucoup à l'extérieur. Mais finalement, tout va déboucher entre 1998 et 2004. Entre 1998 et 2004, d'abord, 1998, présence, élection régionale avec des résultats assez bons, assez bons pour un parti tout seul, autour de 4%. À l'époque, le seuil, c'était 5%. Le seuil pour avoir des élus était de 5%. Maintenant, il faut 10% au premier tour pour pouvoir se maintenir. Et donc, l'UDB a également revu sa charte en 1999 en ajoutant les notions de droit d'ingérence humanitaire, des notions sur le développement durable, etc., qui ne figuraient pas dans la charte de 1964. Et donc, il y a tout un corpus qui date de ces années-là, qui va profiter à l'UDB des années suivantes. On peut dire que depuis les années 2000, donc, ça fonctionne relativement bien avec des alliances. Un allié qui s'est renforcé, c'était les écologistes. Et en 2004, donc, au premier tour, alliance avec les Verts. Et cette alliance permet, fait presque 10%, permet de fusionner avec la liste Le Drian, donc la liste socialiste et communiste, pour le second tour, et d'avoir 4 élus, dont 3 UDB. Le quatrième étant associé à l'UDB était Christian Troidec, élu en 2004. Ça, c'était 2004. Donc, l'UDB qui fait son entrée au Conseil régional, ça paraît enfin logique, puisque un parti qui était fondé sur la conquête du pouvoir régional et son renforcement entre au Conseil régional, ça apparaissait quand même l'aboutissement qui avait échoué depuis 1986. Quelle année, alors ? 2004. Oui. Donc, il y a eu 4 élus du groupe UDB. Le quatrième n'étant pas à l'UDB, c'était Christian Troidec, qui avait le titre, lui, de gauche alternative. Et donc, participation à l'exécutif, Christian Guillon-Vard est vice-président chargé des relations internationales. Il va faire un travail énorme. Ça se voit pas beaucoup, parce que c'est un poste de... sur le terrain, des coopérations avec une région de Chine, coopération avec la Pologne, coopération avec différentes régions du monde. Et surtout, l'effort de Christian Guillon-Vard a permis de mettre une commission commune avec le département de Loire-Atlantique. Et en même temps, donc, le département de Loire-Atlantique, présidé par Patrick... Dans le cadre des relations internationales. C'est lui-même qui s'est chargé de ça. Bon, le président de Loire-Atlantique, Patrick Maréchal, donc... était sur la même longueur d'onde que l'UDB de la réunification. Et donc il y a eu des réunions pour une politique commune Bretagne-Loire-Atlantique, c'est une sorte de pré-réunification avant l'heure, que le département de Loire-Atlantique impulsait de son côté également. Et d'ailleurs, depuis cette époque-là, si vous allez à Nantes, sur le bâtiment du conseil général, départemental aujourd'hui, il y a le drapeau breton, le Guenadu, sur le fronton. C'est peut-être tout ce qui reste du passage de cette période-là, mais il reste le Guenadu sur le conseil départemental de Loire-Atlantique. Il faut dire que l'action des conseillers UDB et de sympathisants a permis aussi aux villes de Nantes et de Saint-Nazaire de signer la charte via la Brézonec. Donc deux villes importantes de Loire-Atlantique sont signataires de la charte de la langue bretonne. Donc c'est symboliquement, ce sont des petits acquis de l'UDB ou de gens très proches comme Jean-Louis Jossic, le chanteur des Trianes, qui était à l'époque adjoint à la culture à Nantes et qui ne l'est plus parce qu'il a été écarté de son poste. Mais il était membre, lui, du Parti Socialiste après avoir été longtemps membre de l'UDB. Donc on est dans la phase de réussite. Alors cette phase de réussite est renouvelée aux élections les régionales de 2010 avec une alliance avec Europe Écologie. Au départ, l'UDB était dans Région Peuple Solidaire qui était dans Europe Écologie. Et puis Europe Écologie s'est constituée en parti et non plus en fédération de partis. Ce qui fait que l'UDB était obligé de s'en retirer. Quoi. Ou alors, ça voulait dire qu'elle se sabordait. Quoi. Donc, l'alliance au premier tour. Au deuxième tour, la liste Le Drian, contrairement aux espérances des autres partis, n'a pas accepté la fusion parce qu'elle pouvait gagner toute seule. Et donc, il n'y a pas eu de fusion, mais il y a eu 11 élus, dont 4 élus UDB. Dans le conseil régional de 2010, donc. Et au bout de 2 ans, donc, nouveau changement, victoire de Hollande au présidentiel, victoire de la gauche aux législatives, et l'UDB désire rejoindre la majorité régionale. Elle aurait souhaité le faire avec Europe Écologie, ça n'a pas été possible. Le but, c'était de réussir la régionalisation. C'est-à-dire que le programme de Hollande, c'était de faire une nouvelle étape dans la régionalisation. Donc l'UDB voulait que le Conseil régional de Bretagne prenne une position unanime, ou au maximum unanime, pour peser pour une régionalisation plus forte et pour la réunification de la Bretagne. Et donc la première partie de la fusée a fonctionné, c'est-à-dire que le Conseil régional, quasiment unanime, a adopté un projet de régionalisation qu'il a proposé au gouvernement. Donc ça, c'est la partie réussite. Ensuite, la partie échec, le gouvernement n'a tenu aucun compte du projet en question, et, quoique soutenu par Le Drian, le projet en question. Et donc la régionalisation a été très faible, et on a vu l'émergence de deux éléments contre lesquels l'UDB s'était prononcé. D'abord, le Grand Paris, qui est mis en place avec des moyens financiers très importants. Et deuxième élément, donc la métropolisation, c'est-à-dire que la création d'une couche supplémentaire, les métropoles, qui viennent s'intercaler entre le département et la région, et donc forcément diminuer le pouvoir des régions. Et puis le troisième élément très négatif a été le nouveau découpage régional complètement technocratique, plus que technocratique, puisqu'il a été décidé dans le bureau du président. Donc ça, c'est un échec très fort pour l'UDB, et ça rendait très difficile pour un renouvellement de l'alliance avec le Parti Socialiste. Alors il y a deux raisonnements possibles, où on dit le Parti Socialiste en Bretagne n'y est pour rien, et à ce moment-là on peut encore s'allier avec lui puisque la politique au niveau régional a été relativement consensuelle, ou bien on dit bon, les choix faits par le gouvernement socialiste ont été très mauvais en matière de décentralisation et on ne peut pas le soutenir. Et à ce moment-là, ça implique un autre type d'alliance régionale. Alors, j'ai omis un élément très intéressant aussi sur le plan de la partie réussite, dans la partie d'avant 2014-2015. Donc, en 2012, c'est en 2012, oui, qu'il a été élu, Hollande. Oui, donc en 2012, élection législative. Et donc, pour la première fois, un député apparenté UDB, élu, Paul Molac. Paul Molac, élu dans la circonscription de Plo-Hermel. Alors évidemment, ça s'est fait par beaucoup d'alliances. Paul Molac donc, avait sa carte à l'UDB, puis on lui a demandé de ne pas la reprendre pour pouvoir être drainé plus large. Et puis, il a eu le soutien de Le Drian, il a eu le soutien donc de Région et Peuple Solidaire, soutien d'Europe Écologie, et ça a permis d'avoir pour la première fois dans l'histoire un député fédéraliste de gauche au Parlement. Il a fonctionné d'ailleurs en tandem assez efficace avec le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, socialiste, et ils ont fait du bon travail, mais ils se sont heurtés à un gouvernement d'une part et une majorité de l'Assemblée d'autre part, droite-gauche d'ailleurs, se rassemblant pour certains votes et qui ont bloqué la régionalisation d'une part et puis tout processus de réunification de l'autre. Donc ça, c'était un échec important pour l'UDB et un échec aussi pour les socialistes bretons puisque ce qu'ils souhaitaient n'a pas du tout été pris en compte. Donc on arrive à la phase actuelle qui est une phase de crise. Depuis, on peut dire que cette crise existe depuis l'an dernier. Depuis qu'on a vu que la régionalisation ne se fait pas, et puis que le processus de réunification non seulement ne se fait pas, mais on a mis des barrages juridiques pour que le processus n'aboutisse pas. Avec c'est le temps des difficultés. Hein. L'UDB elle-même s'est beaucoup plus divisée parce que ceux qui étaient au conseil régional ont dit on a fait du bon travail, et puis les autres qui n'étaient pas au conseil régional ont dit on ne peut pas refaire une alliance avec un parti qui n'a pas respecté ses engagements. Donc l'UDB elle-même est traversée par un clivage. Je veux dire que les clivages sont partout. Si vous regardez dans le monde politique, l'UMP, je sais qu'il y a quelques clivages. À peu près dans toute la vie politique française, vous avez des clivages actuellement. Chez les Europe Écologie, je pense qu'ils sont également assez visibles. À l'UDB, c'est moins visible, c'est quand même un clivage, faut-il dire, la région c'est autre chose que l'État et on peut continuer une alliance au niveau régional, ou bien non, dire on marque le coup en se présentant de façon autonome au premier tour, quitte à fusionner au second tour éventuellement, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait au niveau de la régionalisation. Donc voilà un clivage au sein du UDB. Il y a d'autres clivages. La vieille UDB, si vous voulez, était pour depuis les années 60, dans l'idée d'un développement économique, d'un développement économique, d'un rattrapage économique de la Bretagne. Or, la nouvelle UDB, les générations qui sont venues après, sont beaucoup plus sensibles aux questions d'environnement, d'écologie, d'antiproductivisme. Donc, que faut-il faire pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Voilà un beau sujet de clivage au sein du UDB. Et lors du congrès de... le congrès de... pas le dernier, celui d'avant, du congrès de Murs de Bretagne 2011, on a décidé de ne pas se prononcer. Parce qu'il y avait la moitié pour, la moitié contre. Donc, à faire basculer de deux ou trois voix dans un sens ou dans l'autre, n'avait pas de sens. Donc, depuis, l'UDB ne prend plus de position sur Notre-Dame-des-Landes. Certains considèrent que ne pas faire Notre-Dame-des-Landes, c'est faire un nouveau Roissy. Il faudra bien que le trafic se fasse, donc il se fera à Roissy. Et d'autre part, si on veut rééquilibrer la France, il faut des grands aéroports régionaux pour qu'on ne fasse pas le détour de Roissy. Pour pas que l'aéroport international de Saint-Brieuc soit Roissy, il y a une logique à ce qu'il soit à Notre-Dame-des-Landes. D'autres disent, bon, il y a déjà un aéroport à Nantes, oriente-le différemment et il pourra faire l'affaire. Donc, il y a toutes sortes de clivages qui traversent tous les partis et qui traversent aussi l'UDB. Simplement, donc, comme je veux laisser un tout petit temps de dialogue, désolé pour les quelques digressions, les divisions on les trouve partout. Celles de l'UDB sont cruciales aujourd'hui. Donc, une majorité de l'UDB a choisi une alliance avec le mouvement de Christian Troadec, Mouvement Bretagne Progrès, ce qui veut dire ne garantit pas, jamais la réussite n'est garantie, et ne garantit pas non plus que la participation au pouvoir régional sera assurée. Or, la participation au pouvoir régional, même par quatre conseillers qui avaient beaucoup travaillé, a été visible, ce qu'on pouvait voir. Le drapeau, la charte pour la langue bretonne, un tas de choses ont été faites par l'action indirecte ou directe de conseillers régionaux de l'UDB. S'ils ne sont plus là, cette action ne se poursuivra pas. Le député Paul Molac, élu dans la circonscription la plus à droite de Bretagne, par une conjonction extraordinaire autour de sa personne et autour de ses options, risque... Bon, là, il va sur la liste Le Drian dans le Morbihan, donc il ne suit plus l'UDB. Donc, tout ce que l'UDB avait gagné en 2004 et 2008, un groupe autonome, une participation au Conseil régional, un député, se trouve menacé. Donc voilà, si on fait le bilan des 50 ans, il y a eu... Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que ce parti existe toujours. Il y a eu beaucoup de partis bretons à se créer et à disparaître. Et celui-là, il existe toujours. Ce qui est... un point fort, donc, son journal aussi, qui est généralement considéré comme de qualité. Pas mal de médiathèques et bibliothèques considèrent que c'est utile de s'y abonner. Par contre, un défaut de notoriété, ce qui fait qu'après, même après 50 ans, finalement, l'UDB est relativement mal connu. Alors, c'est un peu la rançon de l'excès de démocratie. C'est sans doute le seul parti en France qui est refusé tout poste de secrétaire général et tout poste de président. Donc l'UDB n'a pas de secrétaire général, n'a pas de président. Donc il n'y a pas une personne régulièrement exposée aux médias. Et finalement, donc, c'est une sorte de fonctionnement collectif, direction collégiale, qui est sans doute pas dans l'air du temps. Alors, qui a ses qualités du point de vue de la démocratie, mais qui n'a pas forcément son efficacité du point de vue de la communication. Bon, voilà quelques éléments. J'aurais pu faire une heure de plus, ou deux, ou trois. Je préfère vous laisser quand même un tout petit peu la parole. Merci. Tout est critiquable, hein, tout est compliqué. Je viens poser une question. Je ne sais pas si vous étudiez, vous avez On se tutoie, on se voit et demande. Je suis de... Vous avez fait pas mal d'histoires de l'UDB à travers les élections, les stratégies, les recours.